sais pas pourquoi. Peut-être près de moi. Tu te souviens de l'appartement de ma mère? C'était vraiment beau. Chambre rose, mais la cave avec une atmosphère malsaine, que a même été tomorrow never comes. Tomorrow never comes.

Allô, allô, allô. Allô, allô, allô, allô, allô. Bien. Das ist Japanisch. Telefon. Ja. Telefon. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ah ja, okay, tschüss. J'ai rien fumé depuis. Oh,